Suite à la nouvelle directive de l'Union européenne, il est désormais totalement interdit de donner gifles et fessées à vos enfants. Un nouveau barème de punition va donc être mis en place. Le premier palier concernera les délits mineurs, tirage de langue, tirage de cheveux de son frère ou sœur, cri dans le but unique d'énerver. Dans ces cas, et ces cas uniquement, un simple coup de martinet suffira. Des martinets seront d'ailleurs mis en vente dans toutes les grandes surfaces d'ici 3 mois pour répondre à la future demande qui risque d'être importante. Le deuxième palier concernera les délits majeurs. Griffures, morsures, insultes envers sa famille, gribouillage des photos de famille, étalage du paquet de spaghettis par terre ou tirage de la queue de l'animal de compagnie. Dans ces cas et dans d'autres que vous pourrez trouver sur le site internet quellepunition.gouv.fr, le parent devra rendre le geste par un geste similaire à l'enfant. Déchiqueter ses nounours par exemple contre le gribouillage ou casser tous ses jouets s'il raye votre voiture. Attention tout de même à ne pas gifler ni fesser votre enfant, cette infraction rentre dans le troisième palier. Troisième et dernier palier donc, le crime, qui concerne les pleurs incessants, les pipis mal contenus, les insultes envers les inconnus, les coups et blessures et le refus de s'alimenter. Pour ces cas, la méthode obligatoire consiste à effectivement priver votre enfant de nourriture pour une durée minimum de 24 heures. Dans ce cas, prévoyez une salle capitonnée dans votre maison. Le placard sous les escaliers semble être l'endroit adéquat. Attention tout de même à l'interprétation de la loi, messieurs. Il est toujours possible pour vous de claquer, de fesser et même de défoncer votre compagne sans raison aucune et même de la tuer. Il y a peu de chances que vous soyez inquiété pour si peu.